Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Tu as la grâce de connaître Jésus-Christ et de recevoir l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit d'adoption. L'Esprit que Dieu t'a donné n'est pas un esprit de timidité, mais l'Esprit de force, de sagesse. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Nous allons prier, nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Marc chapitre 14, 43 à 52. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 14, 43 à 52. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-les et emmenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi !» et il le baisa. Alors, ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappant le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées, des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans les temples et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme les suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva nu. Amen. Je voudrais partager trois vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Évitons le baiser de Judas. Vous voyez, le baiser, c'est un geste qui exprime l'amour, qui exprime la tendresse. Mais malheureusement, Judas a utilisé les baisers pour livrer Jésus. Quelle méchanceté! Fais attention, ma sœur. Tous ceux qui te font des baisers, même quand tu viens à l'église, même quand tu vas à la messe, ce ne sont pas des gens qui t'aiment. Aujourd'hui, le diable a infiltré ses agents, même dans l'église. Il y a des gens qui viennent pour jouer le rôle de Judas. Ils te donnent les baisers alors que c'est la sorcellerie qu'ils pratiquent. Ils viennent pour t'envoûter. Fais attention. Les baisers de Judas est un baiser qui était accompagné par la traîtrise, par l'hypocrisie, par la trahison. Il y a beaucoup de Judas aujourd'hui, même dans nos entreprises. Je vais parler à un frère. Écoute-moi bien. Il y a quelqu'un qui convoit ton poste, un collègue de service. Tu te demandes, mais comment est-ce que le chef me combat? Mais celui-là, il convoite ton poste. Mais quand vous êtes ensemble, il te félicite. Il dit vraiment, toi tu es un homme de bien. C'est sur toi que le DG compte. Mais c'est un Judas. C'est lui qui t'est trahi. Fais attention. Quand tu es spirituel, tu dois comprendre. Tu ne dois pas faire aveuglément confiance à tout le monde. Le texte dit ceci. Au verset 43. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Les gens qui jouent le rôle de Judas, ils viennent avec eux des foules de personnes. Il y a des gens qui sont derrière eux. Peut-être que toi, tu ne les vois pas. Il est en train de comploter avec tes ennemis. C'est quelqu'un qui est toujours en connivence. Il est en intelligence avec les gens, avec les mystiques. Quand il vient, derrière lui, il y a des gens qui sont accompagnés. La Bible nous dit, au verset 44, « Celui qui les livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, celui, saisissez-les et amenez-les sûrement. » C'est par les baisers que les gens ont reconnu que le monsieur qu'ils cherchaient, c'est Jésus. Aujourd'hui, nous avons des baisers de Judas, même dans nos familles. Ton propre frère, c'est un Judas. Ta propre sœur, c'est une Judas. Il est là. Tu te confies en elle. Tu lui donnes tous tes sujets. Prie pour que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu aies le discernement, afin de détecter tous les Judas qui font des baisers, des trahisons. Même quand tu fais ton anniversaire, il fait des postes. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Toi, tu es content. Tu ne sais pas que c'est lui qui est le Judas. Il fait semblant. Au fond du cœur, il ne t'aime pas. Il est en contact avec les gens qui cherchent à détruire ta vie. Faisons attention aux baisers de Judas, des baisers de trahison, d'hypocrisie. Deuxième vérité, n'utilisons pas les armes de la chair là où le Seigneur nous demande d'utiliser les armes spirituelles. Vous voyez, quand tu es dans un combat spirituel, fais attention. Les armes de la chair, c'est quoi? Par exemple, la colère. Je vais parler à une sœur. Tu es trop coléreuse. Quand quelqu'un te fait du mal, tu penses que c'est en réagissant par la colère que tu vas avoir la solution. Non, au contraire, lorsque tu t'énerves, tu perds le contrôle. Même ton patron risque d'avoir le dessus sur toi. Donc, il faut demander à Dieu de t'aider à te maîtriser. La colère, le mensonge, hein, les injures, ce sont des armes de la chair. Tu ne peux pas utiliser les armes de la chair pour gagner l'ennemi. Non, hein, ma sœur, toi qui cherches le mariage, mais tu veux faire tomber le monsieur qui veut t'épouser et tu dis je vais le séduire pour qu'il puisse sortir avec moi pour que nous puissions faire enfant. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un chrétien ne fait pas ça. Ce sont les âmes de la chair. Tu veux entrer dans le mariage avec un enfant. Fais attention. Ta solution là, ce n'est pas une solution. C'est un piège et tu risques de honnir ton Dieu. Dieu ne veut pas que tu utilises la chair. Regardez ce qui se passe ici. Quand on a arrêté Jésus, le texte dit ceci. Au verset 47, un de ceux qui étaient là tirant l'épée, frappant le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Évidemment, Marc ne précise pas, mais d'autres évangélistes comme Matthieu, Luc, ils précisent qu'il s'agit de Pierre. C'est Pierre à qui Jésus a dit, avant que les coqs ne chantent trois fois, tu me régneras. Mais lui, Pierre a dit, non, même si tout le monde te régnait, moi je ne peux pas te régner. Si tu n'es pas spirituel, si tu ne comprends pas que tu dois passer du temps dans la prière, dans le jeûne, tu dois demeurer dans la parole de Dieu, tu dois venir régulièrement aux activités, dans l'église, et être encadré. Tu risques de chuter. Est-ce que tu comprends? Parce que sans la prière, tu deviens vulnérable. C'est comme quelqu'un dont l'immunité a diminué. Est-ce que tu comprends? Quand l'immunité a diminué, quelqu'un, même une petite fièvre, peut l'emporter. Vous voyez? Parce que tu n'as plus de défense. Et c'est la prière qui nous permet de ne pas succomber dans la tentation. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez pour ne pas succomber dans la tentation. Voici déjà, Pierre a commencé à succomber. Il a pris l'épée pour couper l'oreille. Ça, c'est l'arme charnelle. Or, le combat était spirituel. Ailleurs, Jésus a reproché ses gestes. Il a dit, celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Troisième vérité, certaines situations difficiles qui nous arrivent font partie du plan de Dieu. C'est difficile de comprendre et de l'accepter. Regarde, Jésus est arrêté par les hommes méchants. Il a été livré par Judas. Mais lui-même comprend que ça fait partie du plan de Dieu. C'est pourquoi il dit ceci au verset 48. Jésus prenant la parole leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Ce qui venait d'arriver, ça faisait partie du plan de Dieu, afin que les Écritures s'accomplissent. Parce que les prophètes ont prophétisé que le Messie devrait souffrir. Il devrait être livré à mort. Il devrait être crucifié. Il devrait être enseveli. Mais le troisième jour, il ressusciterait des morts. Donc, la souffrance de Jésus, sa passion, sa mort sur la croix, n'était pas le fait du hasard. Cela faisait partie du plan de Dieu. Il a fallu que Jésus meure sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma sœur, mon frère, les difficultés que tu connais, le rejet que tu connais, la déception que tu connais, fait partie du plan de Dieu. Effectivement, aujourd'hui, toi, tu vois comme si ça te fait mal. Mais plus tard, tu vas voir le bien de cela. Car la Bible déclare, nous savons au reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré. Nous allons les louer en chantant ce chant.

gloire à Dieu. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Élève ta voix là où tu es. Élève tes mains. Bénis le Seigneur. Lui qui te garde. Lui ton Dieu. Lui le Dieu fidèle. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB. Cette émission est produite à partir d'Abidjan à la radio Fréquence Vie. C'est votre serviteur microphone, le révérend Dieudonné Ngombi. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, en Europe, aux États-Unis, même en Asie. Je vous encourage de continuer à partager OSB par WhatsApp pour que plusieurs personnes aussi puissent en bénéficier. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 14, 43 à 52. Évitons les baisers de Judas. Tu vas prier. Peut-être que le Saint-Esprit t'a montré un Judas. Il n'est même pas loin, il est à côté de toi. C'est lui qui te trahit. C'est lui qui est en connivence avec tes ennemis pour te trahir. Tu vas prier le Seigneur pour chasser l'esprit de Judas, l'esprit de traîtrise, le baiser d'hypocrisie qui se pratique même dans nos milieux chrétiens. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. N'utilisons pas les armes charnelles. Ne faisons pas comme ses disciples qui a utilisé l'épée pour couper l'oreille. Oui, le combat n'était pas un combat charnel, mais c'était un combat spirituel. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à nous armer, à revêtir toutes les armes spirituelles et non les armes charnelles, et que nous puissions être toujours des hommes et des femmes de prière. Prions le Seigneur. Amen. Nous venons de voir que Dieu peut permettre des circonstances difficiles parce qu'elles font partie de son plan. Les souffrances de Jésus, sa passion, sa mort sur la croix, son arrestation faisaient partie du plan de Dieu. C'est pourquoi il lui dit ici, « J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Nous allons prier pour dire, « Seigneur, montre-moi le bien fondé des difficultés que je connais. Montre-moi, aide-moi à comprendre quel est ton plan pour moi, afin que ce que tu as prévu s'accomplisse dans ma vie et que même les difficultés que je connais se transforment en délivrance, en gloire, comme tu l'as fait avec Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons